Chapitre 16. Les objections classiques. Objection 1. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. On ne peut pas mettre un prix sur la gloire. 1 Corinthiens 10, 31. C'est l'objection la plus fréquente et la plus instinctivement convaincante. Elle mérite d'être démontée avec précision parce qu'elle comporte une prémisse implicite non vérifiée. La prémisse implicite est la suivante. Faire quelque chose pour la gloire de Dieu signifie le faire gratuitement. Or, rien dans le texte ne dit cela. Absolument rien. Rappelons ce que kabod signifie vraiment. La gloire est un poids, une densité substantielle. Elle ne s'oppose pas à la matière. Elle en est la mesure. Faire quelque chose pour la gloire de Dieu signifie y mettre la densité maximale. Maîtrise technique, excellence, rigueur de l'artisan. Et cette densité a un coût. Elle s'achète en années de formation, en heures de répétition, en investissement physique et mental. Le verset ne dit pas « faites-le gratuitement ». Il dit « faites-le avec la densité qui honore Dieu ». Ces deux affirmations ne sont pas seulement différentes. Elles sont opposées. La seconde reconnaît le coût de l'excellence. La première le nie. Notons également que Paul, qui cite ce verset, est le même Paul qui défend longuement en 1 Corinthiens 9 le droit de celui qui travaille à en recevoir le fruit. Dans le même corpus, le même auteur. Il n'y a pas de contradiction chez Paul. Il y a une lecture sélective de ceux qui citent le verset 31 du chapitre 10, en ignorant les versets 7 à 14 du chapitre 9. Leçon 16. Faire pour la gloire de Dieu signifie faire avec excellence et densité, non faire gratuitement. Le kabod est un poids réel qui implique un coût réel. Ce coût ne contredit pas la gloire, il en est la preuve. Objection 2. David et les Lévites servaient Dieu sans chercher de salaire. La vraie adoration n'a pas de prix. Cette objection mélange deux réalités distinctes que les textes séparent rigoureusement. L'adoration, chacha en hébreu, proskuneo en grec, est le mouvement intérieur d'inclination du cœur vers Dieu. Elle ne requiert ni compétences techniques ni contrepartie. Elle est libre, personnelle, inaliénable. Sur ce point, l'objection a raison. La vraie adoration n'a pas de prix parce qu'elle ne se vend pas et ne s'achète pas. Mais les Lévites, précisément, n'étaient pas de simples adorateurs. Ils étaient des meshorerim, des experts dont la fonction était définie, exigeante et exclusive. Et Néhémie 12:47 est sans ambiguïté. On donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. Néhémie 11:23 précise, il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. David a organisé les chantres lévitiques. Il ne les a pas dépouillés. L'argument qui prétend s'appuyer sur David pour refuser la rémunération des musiciens est un argument qui fait dire à David le contraire de ce qu'il a fait. Leçon 17. L'adoration est accessible à tous et n'a pas de prix. L'expertise du méchoraire est le fruit d'un métier et a un coût. David rémunérait ses chantres. Citer David contre la rémunération des musiciens est une inversion des faits bibliques. Objection 3. L'Esprit donne les dons gratuitement. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Matthieu 18. Cette objection est sans doute la plus habile parce qu'elle s'appuie sur une parole du Christ lui-même. Elle exige donc une réponse précise, contextualisée et lexicalement honnête. Le contexte de Matthieu 18 est la mission des 12. Jésus les envoie prêcher le royaume, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. La gratuité qu'il prescrit concerne spécifiquement ses actes charismatiques de transmission de la puissance divine. Il ne dit pas « ne recevez rien du tout ». Dans le même discours, au verset 10 à 11, Il dit exactement le contraire. L'ouvrier mérite sa nourriture. Et demeurez dans la maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. La logique du Christ n'est donc pas. Tout service est gratuit. Elle est, ne vendez pas ce que vous ne pouvez pas produire par votre propre effort, la puissance divine. Mais celui qui travaille, qui produit par son effort réel, mérite la contrepartie de cet effort. La compétence musicale n'est pas un don charismatique au sens de Matthieu 18. Elle est le fruit de 10, 15, 20 ans de pratique quotidienne. Elle s'acquiert par l'effort humain, pas uniquement par effusion divine. Le don initial peut venir de Dieu, comme toute capacité, mais la maîtrise est le fruit du labeur du méchant. Ce labeur mérite Péoula. Leçon 18. Matthieu 10, 8 concerne la transmission de la puissance divine dans les actes charismatiques, non le travail professionnel. Dans le même discours, Jésus affirme que l'ouvrier mérite sa subsistance. Confondre le don charismatique gratuit et la compétence professionnelle acquise par l'effort est une erreur de contexte délibérée. Objection 4. Paul travaillait de ses mains pour ne pas être à charge. C'est l'exemple que les serviteurs de Dieu doivent suivre. Acte 18, 3. Voici une objection intellectuellement honnête qui mérite d'être traitée avec le même sérieux. Paul, le fabricant de tentes, l'argument a l'avantage d'être réel. Paul s'explique lui-même sur ce choix en 1 Corinthiens 9 et en 2 Corinthiens 11. Son renoncement à la rémunération n'était pas un principe universel. C'était un choix stratégique lié à des circonstances particulières. Éviter que sa prédication soit associée à une logique marchande aux yeux de communautés non encore consolidées. Et surtout, refuser de donner prise à ses adversaires qui cherchaient à le discréditer. Paul dit explicitement « J'ai ce droit, mais je n'en use pas ». Avoir un droit et choisir volontairement de ne pas l'exercer pour des raisons stratégiques n'est pas la même chose que ne pas avoir ce droit. Paul reconnaît le droit. Il en fait une mention explicite. Son renoncement personnel à ce droit ne l'abolit pas. Il le confirme. De surcroît, Paul acceptait des soutiens matériels de communautés avec lesquelles la relation de confiance était établie, notamment Philippe, Philippiens 4, 15 à 16. Son autosuffisance n'était donc pas absolue. C'était un principe de discernement contextuel, pas un commandement universel. Leçon 19. Paul travaillait de ses mains par choix stratégique, non par principe absolu. Il reconnaît explicitement avoir ce droit et y renoncer librement. Renoncer à un droit que l'on possède et nier ce droit à quelqu'un d'autre sont deux réalités radicalement différentes. L'exemple de Paul confirme le droit. Il ne l'abolit pas. Objection 5. Le ministère de la louange est un appel, pas un emploi. On ne rémunère pas un appel. Cette objection révèle avec une clarté particulière le mécanisme de la sacralisation sélective dénoncé au chapitre 12. Elle mérite d'être retournée avec méthode. Première question. Qui sont les autres personnes appelées dans l'institution? Le pasteur est appelé. Les anciens peuvent être appelés. L'évangéliste est appelé. Or, dans la plupart des grandes institutions évangéliques africaines, ces personnes reçoivent des rémunérations, des honoraires, des dotations, des indemnités. Si l'appel suffit à abolir le droit au salaire, pourquoi n'abolit-il ce droit que pour les musiciens? Deuxième point lexical. Le mot hébreu « meshorer » ne contient pas l'idée d'un appel mystique. Il contient l'idée d'une maîtrise constituée par la pratique intensive. L'appel, si appel il y a, est la condition initiale. L'expertise est le fruit du travail. Ce sont deux niveaux distincts. L'un touche à la vocation, l'autre au métier. Les deux peuvent coexister dans la même personne. Le médecin peut être appelé à soigner et être rémunéré pour ses soins. Le professeur peut être appelé à enseigner et toucher un salaire. L'appel et le salaire ne s'excluent pas. Troisième point, si le ministère de la louange est un appel divin, alors il a la dignité du sacerdoce. Et le sacerdoce dans la Torah était soigneusement pris en charge matériellement. Les Lévites n'avaient pas de terre, mais ils avaient les dîmes. Un sacerdoce sans provision matérielle n'est pas biblique. Leçon 20. L'appel et la rémunération ne s'excluent pas. Les autres appelés de l'institution sont généralement rémunérés. Si l'appel à la louange est un sacerdoce, la Torah enseigne que le sacerdoce est pris en charge matériellement. La disqualification salariale ne frappe que ceux qui n'ont pas le pouvoir de la refuser. Objection 6. Dieu bénira le musicien fidèle. Il n'a pas besoin de réclamer ce que Dieu lui donnera. Cette objection est peut-être la plus révélatrice de l'arsenal rhétorique institutionnel, parce qu'elle déplace la responsabilité de l'institution vers Dieu. L'argument dit, en substance, l'institution n'est pas tenue de payer, Dieu payera à sa place. Examinons le terme « barak », la bénédiction. Nous avons vu que la bénédiction hébraïque est un transfert réel de vitalité, de capacité à prospérer dans le réel. Elle ne remplace pas les obligations humaines, elle les accompagne. La Torah est explicite. Tu ne retiendras pas le salaire du journalier jusqu'au lendemain matin. Lévitique 19:13. Ce commandement est adressé à des êtres humains, pas à Dieu. Dieu ne paie pas à la place des institutions qui refusent de le faire. Il demande à ces institutions de payer. L'argument de la bénédiction divine comme substitut au salaire humain est une inversion de la logique biblique. De plus, cet argument comporte une hypocrisie structurelle. Les mêmes institutions qui invoquent la bénédiction divine pour leurs musiciens n'invoquent pas la bénédiction divine pour leurs charges électriques, leurs prestataires en communication ou leur personnel administratif. Ces derniers sont payés ponctuellement, en toute normalité. La bénédiction n'est convoquée comme substitut au salaire que pour les musiciens. Leçon 21. Barak est un transfert réel de vie, pas un substitut aux obligations humaines. La Torah commande aux êtres humains de payer leurs travailleurs. Dieu ne paie pas à la place des institutions défaillantes. L'argument de la bénédiction divine comme remplacement du salaire est une inversion de la logique biblique. Objection 7. L'Église locale a besoin de ressources pour fonctionner. Si elle paie les musiciens, elle ne pourra pas remplir sa mission. Voici l'argument de la contrainte budgétaire qui est au moins honnête dans sa formulation. Il mérite une réponse directe. Première réalité, si une institution ne peut pas assumer le coût réel des services dont elle bénéficie, c'est un problème de modèle économique, pas un principe théologique. Une entreprise qui ne peut pas payer ses fournisseurs ne les contraint pas au bénévolat au nom d'une cause supérieure. Elle révise son modèle. Deuxième réalité. Beaucoup d'institutions qui invoquent la contrainte budgétaire pour leurs musiciens n'invoquent pas la même contrainte pour leurs dépenses de prestige. Équipement sonore de haute gamme, campagne de communication, décoration des locaux, déplacement des dirigeants. Ces dépenses sont assumées sans hésitation. La contrainte budgétaire est sélective, ce qui signifie qu'elle n'est pas une contrainte, mais un choix. Troisième réalité, et sans doute la plus fondamentale, si une assemblée ne peut pas rémunérer ses musiciens, la réponse éthique n'est pas d'exiger leur gratuité. C'est de réduire le format musical à ce que la communauté peut réellement prendre en charge. Un musicien bénévole qui donne librement son temps dans une petite communauté sans ressources, c'est de l'agape. Un musicien professionnel contraint au bénévolat dans une institution prospère qui paie tout le reste, c'est de l'exploitation. Leçon 22. La contrainte budgétaire est un problème de modèle économique non un principe théologique. Une institution qui choisit ses dépenses de prestige avant la rémunération de ses artisans exerce un choix, pas une contrainte. L'Ecclésia organique s'adapte à ses ressources réelles. Le Kyriakon prospère qui exploite ses musiciens n'est pas pauvre. Il est injuste. Objection 8. Les musiciens sont membres de l'Église. Les membres ne paient pas les membres. Cet argument a l'apparence de la communauté fraternelle. Il faut l'examiner dans sa structure réelle. L'argument repose sur une confusion entre appartenance et prestation. Être membre d'une communauté ne signifie pas que toutes les contributions de tous les membres sont équivalentes et interchangeables. Dans un corps, pour reprendre la métaphore paulinienne de 1 Corinthiens 12, tous les membres appartiennent au même corps, mais tous n'ont pas la même fonction. Et le corps prend soin de chaque membre selon sa fonction et ses besoins. Si l'on pousse l'argument à sa logique naturelle, il devrait s'appliquer à tous. Le pasteur est membre de l'Église. Pourquoi est-il rémunéré? Le comptable qui gère les finances de l'institution est peut-être membre. Est-il bénévole? Le technicien son est peut-être membre. Contribue-t-il gratuitement? La sélectivité de l'argument révèle son artifice. L'appartenance à une communauté crée des liens, des obligations mutuelles, un soin réciproque. Elle ne crée pas une obligation à la prestation gratuite dans un sens unique. La communauté prend soin de ses membres. Parmi ses membres, ceux qui exercent un abad professionnel à son bénéfice méritent d'être honorés en retour. C'est la logique du corps organique. Leçon 23. L'appartenance à une communauté ne crée pas d'obligation de prestation gratuite. Le corps organique prend soin de chaque membre. L'argument « les membres ne paient pas les membres » est sélectif. Il ne s'applique qu'aux musiciens, jamais aux autres fonctions rémunérées de l'institution.